quelqu'un comme toi. Nos attitudes ont besoin de place, et sur mon corps il y a des traces de justice qui n'appartiennent qu'à la certitude est une impasse, et dans mon âme qui se lasse de tout, il n'y a que toi pour moi. Nos attitudes ont besoin de place, et sur mon corps.